À toi je déclare mon amour, la communauté tout heureuse de ce joyeux événement qui a éclairé le monde entier. Tu es une clémence pour tout le monde, tu es le porteur de la paix. Nous avons été guidés par ta lumière. Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est le prophète de Dieu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad.